On dit seulement « a été conçu du Saint-Esprit parce que l'incarnation du Fils de Dieu est une œuvre de bonté et d'amour, et que les œuvres de bonté et d'amour sont attribuées au Saint-Esprit. » Le Fils de Dieu, en se faisant homme, a-t-il cessé d'être Dieu ? Non, le Fils de Dieu s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. Jésus-Christ est donc Dieu et homme tout ensemble. Oui, le Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, est Dieu et homme tout ensemble. Dieu parfait et homme parfait. Il y a donc en Jésus-Christ deux natures. Oui, en Jésus-Christ, qui est Dieu et homme, il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Y a-t-il aussi en Jésus-Christ deux personnes, la personne divine et la personne humaine ? Non, dans le Fils de Dieu fait homme, il n'y a qu'une seule personne, la personne divine. Combien y a-t-il de volontés en Jésus-Christ ? En Jésus-Christ, il y a deux volontés, l'une divine et l'autre humaine. Jésus-Christ avait-il une volonté libre ? Oui, Jésus-Christ avait une volonté libre, mais il ne pouvait pas faire le mal parce que pouvoir faire le mal est un défaut, non une perfection de la liberté. Le Fils de Dieu et le Fils de Marie sont-ils la même personne ? Le Fils de Dieu et le Fils de Marie sont la même personne, c'est-à-dire Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La Vierge Marie est-elle mère de Dieu ? Oui, la Vierge Marie est mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus-Christ qui est Dieu. Comment Marie devint-elle la mère de Jésus-Christ ? Marie devint la mère de Jésus-Christ uniquement par l'opération et la vertu du Saint-Esprit. Est-il de foi que Marie fut toujours vierge ? Oui, il est de foi que Marie fut toujours vierge. Et elle est appelée la Sainte Vierge, la Vierge par excellence. Chapitre 5, le quatrième article. Que nous enseigne le quatrième article ? A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Le quatrième article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ, pour racheter le monde par son sang précieux, souffrit sous Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, et mourut sur le bois de la croix d'où il fut descendu pour être enseveli. Que veulent dire les mots « a souffert » ? Les mots « a souffert » expriment toutes les peines souffertes par Jésus-Christ dans sa passion. Jésus-Christ a-t-il souffert comme Dieu ou comme homme ? Jésus-Christ a souffert comme homme seulement parce que, comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir. Quelle sorte de supplice était celui de la croix ? Le supplice de la croix était alors le plus cruel et le plus ignominieux de tous les supplices. Qui est-ce qui condamna Jésus-Christ à être crucifié ? Celui qui condamna Jésus-Christ à être crucifié fut Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, qui avait reconnu son innocence, mais qui céda honteusement à l'insistance menaçante du peuple de Jérusalem. Jésus-Christ n'aurait-il pas pu se délivrer des mains des Juifs et de Pilate ? Oui, Jésus-Christ aurait pu se délivrer des mains des Juifs et de Pilate, mais sachant que la volonté de son Père éternel était qu'il souffrit et mourût pour notre salut, il s'y soumit volontairement, et même il alla lui-même au-devant de ses ennemis, et se laissa spontanément prendre et conduire à la mort. Où fut crucifié Jésus-Christ ? Jésus-Christ fut crucifié sur le mont du Calvaire. Que fit Jésus-Christ sur la croix ? Jésus-Christ, sur la croix, pria pour ses ennemis, donna pour mère au disciple Saint Jean, et en sa personne, à nous tous, sa propre mère, la très sainte Vierge, offrit sa mort en sacrifice et satisfit à la justice de Dieu pour les péchés des hommes. N'aurait-il pas suffi qu'un ange vint satisfaire pour nous ? Non, il n'aurait pas suffi qu'un ange vint satisfaire pour nous, parce que l'offense faite à Dieu par le péché était à un certain point de vue infinie, et il fallait pour la réparer une personne d'un mérite infini. Pour satisfaire à la divine justice, était-il nécessaire que Jésus-Christ fût homme et Dieu tout ensemble ? Oui, il fallait que Jésus-Christ fût homme pour pouvoir souffrir et mourir, et il fallait qu'il fût Dieu pour que ses souffrances eussent une valeur infinie. Pourquoi était-il nécessaire que les mérites de Jésus-Christ fussent d'une valeur infinie ? Il était nécessaire que les mérites de Jésus-Christ fussent d'une valeur infinie, parce que la majesté de Dieu, offensée par le péché, est infinie. Était-il nécessaire que Jésus souffrît autant ? Non, il n'était pas absolument nécessaire que Jésus souffrît autant, parce que la moindre de ses souffrances aurait été suffisante pour notre rédemption, chacun de ses actes ayant une valeur infinie. Pourquoi donc Jésus voulut-il tant souffrir ? Jésus voulut tant souffrir pour satisfaire plus abondamment à la justice divine, pour nous montrer plus encore son amour et pour nous inspirer une plus grande horreur du péché. Arriva-t-il des prodiges à la mort de Jésus ? Oui, à la mort de Jésus, le soleil s'obscurcit, la terre trembla, les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de morts ressuscitèrent. où fut enseveli le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ fut enseveli dans un sépulcre nouveau, creusé dans le rocher non loin du lieu où il avait été crucifié. Dans la mort de Jésus-Christ, la divinité se sépare-t-elle de son corps et de son âme? Dans la mort de Jésus-Christ, la divinité ne se sépara ni du corps ni de l'âme. Il y eut seulement séparation de l'âme et du corps. Pour qui est mort Jésus-Christ? Jésus-Christ est mort pour le salut de tous les hommes et il a satisfait pour tous. Si Jésus-Christ est mort pour le salut de tous, pourquoi tous ne sont-ils pas sauvés? Jésus-Christ est mort pour le salut de tous, et tous ne sont pas sauvés parce que tous ne veulent pas le reconnaître. Tous n'observent pas sa loi. Tous ne se servent pas des moyens de sanctification qu'il nous a laissés. Pour être sauvés, suffit-il que Jésus-Christ soit mort pour nous? Pour être sauvés, il ne suffit pas que Jésus-Christ soit mort pour nous. Il est nécessaire qu'à chacun de nous soit appliqué le fruit et les mérites de sa passion et de sa mort. Application qui se fait surtout par les sacrements que Jésus-Christ lui-même a institués dans ce but. Et comme beaucoup ou ne reçoivent pas les sacrements ou les reçoivent mal, ils rendent inutile pour eux la mort de Jésus-Christ.